Le mercredi 28 septembre, il est 12h30. Bonjour, voici vos informations. D'abord, il y a une manifestation en cours devant l'Assemblée nationale, manifestation des chauffeurs de taxi qui sont présents par centaines pour exprimer leur mécontentement à la suite du second revers essuyé hier par le Front commun du taxi en Cour suprême, la Cour supérieure plutôt, qui a refusé la demande d'injonction contre l'entreprise Uber. Et tout ça survient à la veille de l'entrée en vigueur de l'entente survenue entre le gouvernement et l'entreprise Uber. En entrevue à CKRL, le président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale, Hamid Nadji, a mentionné que les chauffeurs de taxis ont perdu confiance dans le système judiciaire et il prévient qu'on pourrait assister à une escalade des moyens de pression. La boucane, elle est là et les gens, ils sont mécontents. Ils voient que leur avenir, il est en danger. Ils sont déçus du cheminement juridique parce que la machine juridique, elle est lourde, même si vous avez raison. Et nous sommes devant l'urgence d'agir et tout le monde est convaincu qu'il faut l'escalade de la pression. C'est ça l'ordre de mobilisation. Voilà, c'était Hamid Nadji, le président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Et dans un autre sujet, bien, à Montréal, l'ancien leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois a enfin révélé la nature de son projet politique en partenariat avec Jean-Martin Hossan, économiste et fondateur d'Option Nationale. Il ne s'agit pas d'un parti politique, mais d'un mouvement intitulé « Faut qu'on se parle », une grande consultation citoyenne qualifiée de non-partisane. Le mouvement organise 10 consultations publiques dans 10 villes du Québec sur des questions aussi variées que la réforme du mode de scrutin, l'économie du futur et la place des régions. Et en conférence de presse ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois a estimé que c'était un exercice qui était nécessaire en l'absence de grands projets de société rassembleurs. On sent que le Québec, que collectivement, comme Québécois, comme Québécoises, on a de la difficulté à avancer. Il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui savent ce qu'ils ne veulent pas pour le Québec, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent pour le Québec. Et en terminant, Nathalie Normandeau et ses 6 co-accusés étaient de retour en cour ce matin au Palais de justice de Québec pour la dernière conférence de gestion qui vise à déterminer les modalités de leur procès pour fraude et corruption. Les accusés étaient tous présents. Il a été déterminé que l'enquête préliminaire devrait durer 6 semaines. Cette enquête préliminaire qui pourrait se dérouler aussi tard qu'à l'automne 2017, ce qui laisse entrevoir de longues procédures avant d'en arriver enfin à un jugement. L'ancienne vice-première ministre Nathalie Normandeau a pour sa part obtenu une ordonnance de non-publication sur ces mêmes procédures.